Josué chapitre 24. Josué assembla aussi toutes les tribus d'Israël en Sichem, et appela les anciens d'Israël, et ses chefs, et ses juges, et ses officiers, qui se présentèrent devant Dieu. Et Josué dit à tout le peuple, « Ainsi a dit l'Éternel le Dieu d'Israël, vos pères, Tare père d'Abraham, et père de Nacor, ont anciennement habité au-delà du fleuve, et ont servi d'autres dieux. Mais j'ai pris votre père Abraham de-delà le fleuve, et je l'ai fait aller par tout le pays de Canaan, et j'ai multiplié sa postérité, et lui ai donné Isaac. Et j'ai donné à Isaac, Jacob et Esaü Tréma, et j'ai donné à Esaü Tréma le mont de Seir, pour le posséder, mais Jacob et ses enfants sont descendus en Égypte. Puis j'ai envoyé Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte, selon ce que j'ai fait au milieu d'elle, puis je vous en ai fait sortir. J'ai donc fait sortir vos pères hors d'Égypte, et vous êtes venus aux quartiers qui sont vers la mer, et les Égyptiens ont poursuivi vos pères avec des chariots et des gens de cheval, jusqu'à la mer Rouge. Alors ils crièrent à l'Éternel, et il mit une obscurité entre vous et les Égyptiens, et fit revenir sur eux la mer, qui les couvrit, et vos yeux vers ce que je fis contre les Égyptiens, puis vous avez demeuré longtemps au désert. Ensuite je vous ai amené au pays des Amoréens, qui habitaient au-delà du Jourdain, et ils combattirent contre vous, mais je les livrai en vos mains, et vous avez pris possession de leur pays, et je les ai exterminés de devant vous. Bala aussi, fils de Tsippor, roi de Moab, s'éleva, et fit la guerre à Israël, et envoya appeler Balaam, fils de Béor, pour vous maudire, mais je ne voulus point écouter Balaam, il vous bénit très expressément, et je vous délivrai de la main de Bala. Et vous passâtes le Jourdain, et vint près de Jéricho, et les seigneurs de Jéricho, et les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éthiens, les Gergasiens, les Éviens, et les Jébusiens vous firent la guerre, et je les livrai en vos mains. Et j'envoyai devant vous des frelons qui les chassèrent de devant vous, comme les deux rois de ces Amoréens-là. Ce n'a point été par ton épée ou par ton arc. Et je vous ai donné une terre que vous n'aviez point labourée, et des villes, que vous n'aviez point bâties, et vous y habitez, et vous mangez les fruits des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés. Maintenant donc craignez l'Éternel, et servez-le en intégrité, et en vérité, et ôtez les dieux que vos pères ont servis au-delà du fleuve, et en Égypte, et servez l'Éternel. Que s'il vous déplaît de servir l'Éternel, choisissez-vous aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que vos pères qui étaient au-delà du fleuve, ont servi, ou les dieux des Amoréens, au pays desquels vous habitez, mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Alors le peuple répondit, et dit, « À Dieu ne plaise que nous abandonnions l'Éternel pour servir d'autres dieux. Car l'Éternel notre Dieu, est celui qui nous a fait monter, nous et nos pères, hors du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et qui a fait devant nos yeux ses grands signes, et qui nous a gardés dans tout le chemin par lequel nous avons marché, et entre tous les peuples parmi lesquels nous avons passé. Et l'Éternel a chassé devant nous tous les peuples, et même les Amoréens qui habitaient en ce pays, nous servirons donc l'Éternel, car il est notre Dieu. » Et Josué dit au peuple, « Vous ne pourrez pas servir l'Éternel, car c'est le Dieu saint, c'est le Dieu fort, qui est jaloux, il ne pardonnera point votre révolte, ni vos péchés. Quand vous aurez abandonné l'Éternel, et que vous aurez servi les dieux des étrangers, il se retournera, et vous fera du mal, et il vous consumera après vous avoir fait du bien. » Et le peuple dit à Josué, « Non, mais nous servirons l'Éternel. » Et Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même que vous avez vous-même choisi l'Éternel pour le servir. » Et ils répondirent, « Nous en sommes témoins. Maintenant donc ôtez les dieux des étrangers qui sont parmi vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel le Dieu d'Israël. » Et le peuple répondit à Josué, « Nous servirons l'Éternel notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. » Josué donc traita alliance en ce jour-là avec le peuple, et il lui proposa des statuts et des ordonnances en Sichem. Et Josué écrivit ces paroles au livre de la loi de Dieu. Il prit aussi une grande pierre, et l'éleva là sous un chêne qui était au sanctuaire de l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, « Voici, cette pierre nous sera en témoignage, car elle a vu toutes les paroles de l'Éternel lesquelles il nous a dites, et elle sera en témoignage contre vous, de peur qu'il n'arrive que vous mentiez contre votre Dieu. » Puis Josué renvoya le peuple, chacun en son héritage. Or il arriva après ces choses, que Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. Et on l'ensevelit dans les bornes de son héritage, à Tanatsera, qui est en la montagne d'Ephraïm, du côté du septentrion de la montagne de Gara. Et Israël servit l'Éternel tout le temps de Josué, et tout le temps des anciens qui survécurent à Josué, qui avaient connu toutes les œuvres de l'Éternel, qu'il avait faites pour Israël. On ensevelit aussi à Sichem les os de Joseph, que les enfants d'Israël avaient apportés d'Égypte, en un endroit du champ que Jacob avait acheté 100 pièces d'argent des enfants des morts, père de Sichem, et ils furent en héritage aux enfants de Joseph. Et Éléazar, fils d'Aaron, mourut, et on l'ensevelit au coteau de Phinée son fils, qui lui avait été donné en la montagne d'Ephraïm.